Le mois de mai, c'est le mois de l'arbre et de la forêt. CLML sait ce que représente la forêt. CLML possède des chargeuses sur roues en plus d'une dizaine d'employés. CLML œuvre dans les séries du secteur de Mistassini et Saint-Félicien. Les bureaux de CLML sont au 905 boulevard Amel, Saint-Félicien. 418-679-4194. Et c'est le Red Champagne. C'est une boisson unique, au goût unique. Et avec le beau temps qui arrive, il fait bon se désaltérer avec le Red Champagne, au goût qui nous ressemble. En ouvrant une bouteille de Red Champagne, vous sentez ce bon goût de pomme rouge. Au cours de l'été, ne vous privez pas du plaisir de déguster Red Champagne. Red Champagne, disponible partout. Philippe Simard et fils, distributeur de Red Champagne, salue le mois de l'arbre et de la forêt. Dernière chronique de l'année avec notre ami Phil Desgagnés. Salut. C'est la journée aujourd'hui pour Cassandra Bradette et Marianne Saint-Gelais. Avec moi, j'ai Cassandra Bradette. Salut Cassandra. Salut. Cassandra, comment tu as trouvé l'accueil des gens de CPC? C'est incroyable. Oui, mais en fait, j'ai toujours un bel accueil quand je viens ici. Puis, tu sais, c'est de voir que les gens me reconnaissent. Comme je le mentionne tellement souvent que je le dis que je viens de Saint-Lucien, je suis une fille de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis je suis fière de mes racines, je suis fière de dire d'où je viens, puis de voir que ces gens-là sont autant fiers de moi que je suis fière de faire partie de cette communauté-là, ça fait chaud au cœur, puis c'est... Je pense que je pourrais pas avoir une plus belle récompense que ça présentement. Cassandra, si on parle un peu de ta saison après Pyeongchang, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu? Ben après Pyeongchang, il y a eu le championnat du monde, ouais. C'est la seule compétition qu'il y a eu. Content de ton année, l'ensemble? Oui. Globalement, je suis contente de mon année. Ça a été en soi ma meilleure saison. C'est sûr qu'au niveau individuel, j'aurais aimé ça patiner les distances. Ça a été quand même très difficile pour moi de me refocuser sur l'aspect en équipe. Mais j'ai réussi à le faire. Ça m'a pris une bonne semaine et demie, deux semaines à me refocuser là-dessus. Puis j'étais capable de rebondir justement par rapport à ça. Puis je suis arrivée au jeu, j'étais prête pour performer. T'as-tu appris beaucoup? Parce que là, tu recommences un cycle, comparativement à Marianne, tu recommences un cycle. Est-ce que Pyeongchang t'a servi beaucoup? En fait, je dirais que depuis le début de ma carrière, c'est tout ce que j'ai fait, c'est apprendre. J'ai eu beaucoup d'obstacles, beaucoup de blessures, j'ai appris vraiment beaucoup sur moi-même. Je pense qu'à chaque année, j'étais plus enrichie. Puis, c'est ça, en fait. J'entends pas un cycle. Présentement, c'est vraiment une année à la fois. Fait que je vais voir qu'est-ce que ça donne. OK. Là, t'as-tu recommencé l'entraînement? Oui, on a commencé à s'entraîner. Ça fait un mois environ qu'on a commencé à passer la semaine passée. Ben, merci beaucoup, Cassandra. Ça me fait plaisir. Merci.